le plus lourd, 1 kg de plume ou 1 kg de plomb? Pour répondre à cette énigme séculaire, encore faut-il définir précisément ce qu'est 1 kg ou 1 ampère, 1 kelvin. Bref, les unités de mesure sont à la veille de se faire entièrement redéfinir par de nouvelles constantes. C'est hier soir que Rachid Gheraoui présentait sa leçon inaugurale au Collège de France pour la chaire informatique et sciences numériques. Nous y étions. Et pour finir, le sujet qui, nous le savons, vous fait toujours plaisir, comme vous ne manquez pas de nous l'écrire à chaque fois que nous l'abordons. Allez, on va parler d'homéopathie. Unité de mesure, algorithmique, répartie et homéopathie, c'est le riche programme qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour aborder toutes ces questions, leur principe actif de vulgarisation n'a pas été dilué outre mesure. Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. Chef du pôle santé de Sciences et Vie. Bonjour Sylvain Guilbeault. Bonjour à toutes et à tous. Du magazine La Recherche, un nouveau venu que nous sommes ravis d'accueillir, Len Nguyen-Hoang. Bonjour. Bonjour tout le monde. De la chaîne YouTube Science for All, auteur également de La Formule du Savoir, une philosophie unifiée fondée sur le théorème de Baynes. C'est chez EDP Science, vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais avant cela, à l'inverse de la dilution hahnemannienne, elle est un concentré de l'actualité scientifique la plus dense de la semaine passée, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal des sciences, on revient sur cette étude qui a fait beaucoup de bruit dans la presse cette semaine. Une étude alimentaire parue lundi sur le bio, selon laquelle une alimentation bio réduirait de 25% les risques de cancer. Oui, revenons sur cette étude épidémiologique, car on a entendu beaucoup de choses à son propos. L'étude cherche à faire un lien entre alimentation bio et risque de cancer. Alors entre 2009 et 2016, les chercheurs ont suivi 70 000 volontaires. Ils ont divisé ce groupe en 4 quartiles, selon leurs habitudes alimentaires, s'ils mangeaient régulièrement bio, tout le temps ou très peu. Pendant ces 7 ans, 1340 cancers sont apparus chez les participants. Quand on regarde comment ces maladies se sont réparties dans ces groupes, il se trouve que le quartier le plus touché est celui qui consomme très peu d'aliments labellisés AB. Dans leurs hypothèses, les chercheurs avancent la présence de pesticides dans les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Alors là, on est dans une étude d'observation sur la base d'un questionnaire, ce n'est pas une étude expérimentale, donc on ne peut pas faire de relation cause à effet. Emmanuelle Casse-Guyot est épidémiologue et co-auteur de ses travaux, et quand je l'ai rencontrée, elle était ulcérée, hein, vraiment effarée par le traitement médiatique de son travail. Elle nous explique sa méthode. À partir de ces informations, on met en œuvre des modèles épidémiologiques qui consistent à essayer de comparer des cas et des non-cas, tout étant égal par ailleurs. Ça veut dire prendre en compte ce qu'on appelle des facteurs de confusion, c'est-à-dire l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, les antécédents familiaux de cancer, le régime alimentaire des individus, leur niveau de revenu, etc., de façon à essayer d'effacer les caractéristiques autres des personnes qui mangent bio ou qui ne mangent pas bio. La méthode, c'est ce qu'on appelle en épidémiologie un modèle de Cox, qui va en fait comparer des gens qui développent un cancer et des gens qui n'en développent pas en fonction de leur exposition. Et donc ça nous permet de calculer ce qu'on appelle un risque relatif, c'est-à-dire une probabilité supplémentaire d'avoir un cancer en fonction du niveau d'exposition de départ. Donc moi, si je mange plus de bio, j'ai moins de chances d'attraper un cancer. Alors, c'est pas si simple, parce que le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle. Et ces risques relatifs, ils sont calculés au niveau de la population. Et donc, après, le risque individuel, il est très différent et il intègre énormément d'autres facteurs. Ça a été présenté par les médias comme si on avait apporté une preuve. On n'apporte pas une preuve. On apporte des premiers éléments de relation, d'association, avec un travail qu'on a essayé de mener le plus rigoureusement possible, justement en prenant en compte les fameuses caractéristiques des consommateurs et des non-consommateurs, mais on reste dans une étude d'observation, donc pas de lien de cause à effet. Voilà, différence entre risque relatif et risque absolu, tout ça effectivement a été un peu confus dans la présentation médiatique. Il reste à préciser, Natacha, qu'effectivement il n'y a pas aujourd'hui de causalité établie entre une alimentation bio et le risque ou non de développer un cancer. Oui, puis d'autres études montrent aussi que ceux qui mangent bio font généralement plus attention à leur santé, qu'ils fument moins ou que les femmes prennent moins la pilule. Il a aussi été reproché à cette étude d'être militante. C'est mentionné en fin d'article, mais le co-auteur, le docteur Léron, déclare travailler pour deux fondations qui font la promotion du bio. Et puis il y a une autre étude similaire en Angleterre en 2016. 2014, qui n'a pas eu beaucoup d'écho en France. 600 000 femmes ont été suivies pendant 9 ans, donc c'est une cohorte 10 fois plus grande et beaucoup plus longue. Et ils n'ont trouvé aucune différence entre les risques de cancer chez les femmes qui avaient déclaré ne jamais consommer des produits bio et celles qui en consommaient parfois ou toujours. Catherine Hill est elle aussi épidémiologiste, et selon elle, établir une preuve définitive de la responsabilité des résidus de pesticides est complexe. Je pense que l'étude est pas mal faite, mais que les médias sont complètement partis en vrille. C'est pas du tout la méthode qui est contestée, c'est l'interprétation qui est faite des résultats. Le problème, c'est que les consommateurs de produits bio présentent beaucoup de caractéristiques différentes par rapport aux non-consommateurs, et qu'il est très très difficile, même quasiment impossible, d'éliminer les effets de toutes ces différences. Donc on a une étude qui montre un résultat dans un sens, on a une étude à peu près 20 fois plus grande qui montre un résultat dans l'autre sens, donc voilà. En conséquence, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une alimentation bio réduit le risque global de cancer, c'est possible, mais en fait c'est assez peu probable parce que les différents types de cancers ont des causes différentes. Il n'y a aucune donnée sur les pesticides, point. Si on voulait faire des études sérieuses sur les pesticides, il faudrait faire des prélèvements urinaires ou sanguins, parce que c'est comme ça qu'on peut mesurer combien il y a de pesticides dans un corps humain, et congeler ces prélèvements, et ensuite suivre les gens, faire des prélèvements réguliers, et voir si ceux qui ont en moyenne plus de pesticides dans leur corps ont des risques plus élevés. Ça serait quelque chose qui serait utile. Voilà, et puis cette question du bio et du lien entre bio et bonne santé, on y reviendra très prochainement dans un numéro des Idées Claires. En bref, maintenant, le CNRS va recruter 300 docteurs d'ici 2020. Oui, c'est ce qu'ont annoncé son président et la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, ce mardi. Pour le CNRS, 300 postes supplémentaires en 2 ans, c'est beaucoup. C'est aussi une bonne façon de revaloriser le diplôme du doctorat. En bref, toujours, la SNCF a annoncé en septembre vouloir passer au train autonome. C'est maintenant au tour de la RATP qui veut passer au bus semi-autonome. Oui, avec un premier prototype dans le Val-de-Marne d'ici 2019. Les tests auront lieu sur la ligne 393, une ligne qui a déjà sa propre voie de circulation pour éviter les risques d'accident. Et si l'expérimentation se révèle positive, la RATP pense à développer un plus large réseau de navettes autonomes. Deuxième sujet de ce journal des sciences, grâce au très grand télescope de l'Observatoire austral européen, une équipe internationale d'astronomes a découvert une structure colossale qu'elle a baptisée Hyperion. Hyperion, c'est un nom emprunté au titan de la mythologie grecque. Hyperion est un proto-super-amas de galaxies, c'est-à-dire un regroupement de galaxies très denses. Il a la particularité d'être une structure extrêmement massive et extrêmement grande. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est à 1 million de milliards de fois la masse du Soleil, et en diamètre, c'est 300 millions d'années-lumière. En comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, mesure environ 100 000 années-lumière. Alors, ce qui interpelle les chercheurs, c'est qu'on observe cette structure colossale très tôt dans la vie de l'univers, à 2 milliards d'années après le Big Bang. Ça, c'est une première. Olivier Lefebvre est astronome au laboratoire d'astrophysique à Marseille. Il a conduit ce programme de recherche. Il nous explique pourquoi Hyperion est une découverte majeure et une clé de compréhension de l'histoire de l'univers. Eh bien, on connaît très peu de structures de ce genre, d'autant moins dans l'univers très jeune. Je vous disais que Hyperion est observé seulement 2 milliards d'années après le Big Bang. Et dans notre modèle d'univers actuel, les structures s'assemblent de façon hiérarchique. C'est-à-dire que l'univers est censé former de petites structures au début de sa vie, et puis ces petites structures s'agglomèrent au cours du temps pour former des structures de plus en plus grandes, de plus en plus massives. Là, on observe une structure qui est déjà très grande et très massive, très tôt dans la vie de l'univers. Ce qui est surprenant, c'est que donc Hyperion, la gravitation a déjà eu le temps d'agir suffisamment pour assembler toute cette masse. Voilà, et donc c'est ça qui interpelle. On va s'attacher à essayer de voir s'il y en a d'autres et d'en faire un peu la statistique pour comprendre si c'est un événement extrêmement rare ou si c'est un événement qui est relativement commun, auquel cas on peut être amené dans le futur à ajuster la loi de la gravitation si on se rend compte que justement des structures très très massives peuvent se former très tôt. Ça veut dire qu'on aurait une gravitation qui est plus efficace qu'on ne le pensait, et donc ça nous amènera à changer peut-être certaines de nos lois et d'ajuster nos modèles d'univers. Voilà. Modèle de cosmologie. Et puis Hyperion, c'est aussi ce chef-d'œuvre de Dan Simmons qu'on vous conseille vivement à la lecture. En bref, selon une étude qui vient de paraître dans Nature Geoscience, si il y a de la vie sur Mars, et seulement si, eh bien elle pourrait être sous la surface. En juillet dernier, on a découvert l'existence de lacs d'eau salée dans les profondeurs de Mars, et ces saumures pourraient contenir de l'oxygène selon les simulations des planétologues. À un taux très faible, mais suffisamment pour que de la vie puisse s'y développer, une vie microbienne ou une vie plus complexe telle que des éponges. Alors tout ce cela n'est que théorie, mais ce sont de nouvelles pistes d'exploration pour la planète rouge et notamment de ses sous-sols. Toujours en bref, grâce à son télescope spatial à rayon X, bien voilà, alors... Dis donc. On recommence. Grâce à son télescope spatial à rayon X, ouais, la preuve que cette émission est en direct, la NASA a découvert le plus jeune pulsar de la Voie lactée, Natacha. Il se trouve à 19 000 années-lumière de la Terre, à l'intérieur du rémanent de supernova Kesteven 75, qui est à l'étude depuis 15 ans. Alors, un pulsar, c'est une étoile à neutrons, c'est-à-dire ce qu'il reste quand une étoile massive s'est effondrée sur elle-même. Et depuis leur découverte en 1967, on en a détecté plus de 2000. Cependant, de nombreux mystères demeurent. Cette découverte pourrait fournir de nouvelles informations sur la mort des étoiles. Les animaux ont conscience du temps qui passe. Oui, et même lorsque l'animal est au repos, c'est une expérience qui a été réalisée sur des souris. Et pendant les différents exercices, on a observé qu'un groupe de neurones s'activait dans le cortex entorhinal. Le cortex entorhinal, c'est la zone liée à la mémoire et au temps. Et le comportement pendant l'expérience a montré qu'elles avaient non seulement une représentation du temps, mais qu'elles étaient aussi capables de mesurer un intervalle de temps. Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, dans une récente étude publiée dans le National Academy of Science, les psychologues de l'université de Glasgow en Écosse sont penchés sur une question absolument fondamentale. Est-ce que ça fait du mal ou est-ce que ça fait du bien? La question, avons-nous le même visage lorsque l'on jouit ou lorsque l'on souffre? Et surtout, avons-nous le même visage lorsque l'on jouit et lorsque l'on souffre à travers le monde? Alors pour y répondre, 80 participants occidentaux et asiatiques ont été réunis et ils ont dû, ce n'est pas ce que vous pensez, ils ont dû regarder 3600 visages modélisés en 3D puis juger s'il s'agissait de l'expression d'une douleur ou celui d'un orgasme. Alors contrairement aux idées reçues, l'orgasme et la douleur n'ont pas les mêmes visages, mais surtout la jouissance se manifeste sur le visage de façon différente selon les cultures. On a un visage grand ouvert pour l'Europe et plutôt un visage en sourire pour l'Asie de l'Est. Donc non, les expressions faciales ne sont pas universelles et l'étude montre justement qu'elles sont des faits culturels. Et elle ne répond pas à la question de savoir ce qui se passe quand on jouit et qu'on souffre à la fois, parce que ça peut également se produire. Un mot pour vous dire que c'est aujourd'hui que commence le festival Paris Science, qui est un festival que l'on suit chaque année sur France Culture, qui est consacré aux films scientifiques. La 14e édition a lieu au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. C'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup, Natacha. Un petit tour de table sur ce qui a été abordé dans ce sujet. C'était intéressant d'avoir ces éclairages, peut-être Caroline, sur cette étude sur l'audio, parce que c'est vrai qu'on a vu passer des traitements très simplificateurs et qui ne rendent pas du tout grâce à l'étude d'Emmanuel Kess, qui est une étude beaucoup plus fouillée et beaucoup plus fine que ce qui en a été dit dans les médias généralistes. Oui, quand on se penche sur l'étude, on s'aperçoit qu'en effet, elle ne fait pas une grosse double flèche qui amènerait du bio aux pesticides et puis au cancer. Non, pas du tout. C'est une association qui est montrée, une association avec des statistiques qui montrent, comme vous l'avez bien expliqué, que dans le groupe de ceux qui mangent le plus de bio, il y a moins de cancers. Mais en aucune façon, c'est une étude qui fait un lien de cause à effet. Et pour faire cette étude qui permettrait de faire un lien de cause à effet, en effet, on pourrait avoir ce que proposait Catherine Hill, c'est-à-dire congeler des échantillons, puis voir comment la santé évolue pour les personnes qui ont été échantillonnées. On pourrait aussi imaginer une étude épidémiologique interventionnelle, c'est-à-dire où on prévoirait qu'on suit des gens pendant une certaine période, on leur donne un régime alimentaire qu'ils doivent suivre scrupuleusement. Bon, ce sont des études qui sont possibles, mais qui sont chères, difficile à monter, difficile à mener dans le temps. Et puis là, on peut faire comme ce qu'a fait Emmanuelle Kess-Guyot, c'est-à-dire qu'elle parle d'avoir le facteur le plus probable. Qu'est-ce qui peut le plus probablement influencer sur le taux de cancer et chez les personnes qui mangent le plus de bio ou le moins de bio? Donc elle a envisagé plusieurs possibilités. Elle parle par exemple de la qualité nutritionnelle des aliments. Donc elle a proposé que ça puisse être une hypothèse, mais il y a moins d'éléments en fait sur la façon dont une bonne qualité nutritionnelle protégerait du cancer. Il y a un peu plus d'indices qui permettent de penser que peut-être les pesticides pourraient jouer un rôle dans le développement des cancers. Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse et c'est pas cette étude qui permet de trancher, ça c'est très clair. Ça pose tout de même une question, on en parlait un peu avant l'émission, c'est de la présentation de ces résultats scientifiques. Emmanuel Kess s'emportait contre le traitement médiatique qui en a été fait. Enfin, en même temps, on pouvait se douter que, évidemment, dans les médias généralistes qui ne sont pas sensibles à ces questions d'épidémiologie, à la finesse de ces études, eh bien, on fait des raccourcis très rapides. Donc malgré tout, quand on publie cette étude, on pourrait s'attendre à ce que ça déclenche ce que ça a déclenché tout au long de cette semaine. Oui, bien sûr, mais c'est parce que ça parle d'alimentation, ça nous concerne tous. On a tous quelque chose qu'on met dans notre assiette et on a tous l'impression d'être des experts de ce qu'on met dans nos assiettes. Et c'est normal, tous les jours on mange, tous les jours on doit faire des choix alimentaires. Donc je pense qu'il y a vraiment une attente. Il y a clairement des médias qui se sont emballés, mais il y a clairement aussi une attente. C'est-à-dire que le public a envie de savoir, a envie de trancher, a envie de pouvoir, face à un rayon dans son supermarché ou sur le marché, sur la place du marché, décider, savoir. Puis il y a un biais de confirmation en chacun d'entre nous de se dire on a envie que le bio ce soit meilleur pour la santé, alors que de facto aujourd'hui il n'y a pas d'études qui en fassent la preuve directe. Non, voilà, on n'a pas les éléments qui permettraient de trancher facilement. C'est tout noir ou c'est tout blanc, non, on ne sait pas. Et ça c'est compliqué, hein. C'est compliqué. On va essayer. On y reviendra dans, à la fois dans les méthodes scientifiques et dans les idées claires, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être un mot Hyperion, Sylvain Guilbeault? Oui, tout à fait. Moi, ça me fait écho à d'autres découvertes qui avaient été annoncées cette année, aussi de proto-amas de galaxies. Alors là, Hyperion est un proto-super-amas, c'est-à-dire un regroupement d'amas de galaxies. Or qu'un amas, c'est juste un regroupement de galaxies. Mais il y avait, ouais, des publications concernant des proto-amas de galaxies qui avaient été détectées, seulement 1,4 à 1,5 milliard d'années après le Big Bang, ce qui est très tôt. On pensait auparavant que c'était pas avant 3 milliards d'années que de telles structures se formaient. Alors l'astrophysicien la précise dans l'entretien qu'on a entendu que ça, on pourrait remettre en cause les lois de la gravitation, mais bien sûr on n'en est pas encore là. Il y a aussi encore beaucoup de modélisation à comprendre pour savoir comment exactement ces galaxies se forment puis ensuite se regroupent entre elles. Ou alors, si c'est l'inverse, si c'est d'abord des grandes structures qui apparaissent et ensuite, effectivement, les galaxies qui se séparent. Et à propos de ces superstructures, de ces super amas, on va vous remettre le lien vers cette émission qui garde une place particulière dans mon cœur, ce grand entretien avec Hélène Courtois, qui est extraordinaire, qui parle et qui a redéfini justement la région locale de l'univers, la Niakea. On va vous mettre le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. Il est 16h17, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. C'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Premier de nos trois dossiers de la semaine. Un kilo, c'est un kilo. Le grand cas, comme on l'appelle, le kilo étalon, il se trouve à Sèvres, dans un coffre-fort. Absolument. Et sert aujourd'hui encore de référence internationale pour la définition de l'unité kilogramme. Oui, mais voilà, un cylindre de 4 cm de haut et de 4 cm de diamètre en alliage de platine et d'iridium. C'est assez 20e siècle, c'est pas très 21e siècle comme manière de définir les unités. C'est pourquoi la 26e conférence générale des poids et des mesures qui va se tenir à Versailles à partir du 13 novembre prochain, eh bien, va tenter de redéfinir 4 des 7 unités de mesure fondamentales, Sylvain. Oui, tout à fait. Et c'est un sujet marrant parce que finalement, on ne se pose jamais la question dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'un kilogramme? On prend ça pour acquis, ou même qu'est-ce qu'un mètre, qu'est-ce qu'une seconde, des unités qu'on utilise vraiment quotidiennement, qu'on utilise bien sûr, que les scientifiques utilisent pour faire leurs recherches, mais qui nous touchent aussi directement. Eh bien, en fait, ce ne sont pas des données de la nature, les unités de mesure, ça ne nous tombe pas du ciel. C'est le résultat d'une convention humaine. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que faire une mesure? Bon, moi, je mesure en 1m72 aux incertitudes de mesure près. Mais finalement, bah, je peux très bien me mesurer avec un bout de ficelle, et puis voilà, je mets un trait sur ma ficelle. Et puis, si je veux me comparer à vous, Nicolas, bah, je vous donne ma ficelle, vous l'attendez, vous mettez un trait à votre hauteur. Et finalement, on n'a pas besoin d'unité pour faire ce genre de comparaison. En fait, finalement, c'est le rapport entre la hauteur de votre trait et la hauteur du mien qui finalement importe l'information qui est importante. Donc, mais le problème, c'est que quand on fait de la science, quand on fait du commerce, c'est qu'on partage le savoir. C'est-à-dire que si je dis que je mesure 1m72 et que je demande à mon collègue qui est en Chine combien est-ce qu'il mesure, et ben, oui, il va dire, bah, donne-moi ton mètre. Donne-moi ton mètre. Ta référence. Un mètre ruban ou combien vaut un mètre. Et pour ça, il faut se mettre d'accord. Donc, c'est le résultat d'une convention humaine. Ce qui fait que le point de départ du système international d'unités de mesure qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment la Révolution française. Avant la Cocorico. Non, mais c'est vrai. Avant on utilisait des choses qui étaient finalement le plus simple, c'est-à-dire des parties, oui, du corps. Tout souvent. À fait. Et sauf que du coup, ces parties du corps variaient d'une région et d'une autre. Chacun avec son système. On estime qu'avant la Révolution française, il y avait 700 unités de mesure différentes. Les pieds, les coudées, les pouces. Voilà, absolument. Ouais. Dont on avait beaucoup de doute sur la fiabilité. Qui dit doute, dit manque de confiance, et qui dit manque de confiance, impossible de faire du commerce. C'était une des raisons principales du fait, en plus du fait qu'on voulait un peu, voilà, mettre un peu d'ordre dans les sciences, qui a fait que les scientifiques, au moment de la Révolution française, qui ont eu un rôle assez important, ont décidé de définir des unités à partir des choses les plus universelles possibles. Ce que j'aime bien, pardon de vous interrompre, César, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un processus révolutionnaire dans le sens où c'est aussi une volonté d'abolir le privilège d'étalonnage royal. Oui. Parce que c'est le roi qui avait le privilège d'étalonnage. Voilà, c'était le pied du roi. Voilà. non, mais c'est assez intéressant. Et là, du coup, on s'est dit, bon, le roi, c'est pas très universel. Malheureux, non, blasphème. Je pense que en tout cas c'est une opinion largement partagée à l'époque et encore aujourd'hui. Et du coup à l'époque on s'est dit bah on va prendre le méridien terrestre, donc vraiment la longueur, la circonférence de la Terre. On va en mesurer le quart. Là c'était vraiment, il y a eu une expédition extraordinaire pendant la Révolution française pour mesurer vraiment une portion de ce méridien terrestre entre Barcelone et Dunkerque. Et puis on va prendre cette valeur, on va la diviser, on la divise par 10 millions et on obtient le mètre. Ça a été la première définition internationale du mètre. Bon, elle a changé puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas une super stable comme unité comme valeur universelle, ce mètre. Et aujourd'hui, la définition du mètre, elle est donnée par une constante fondamentale qui est la vitesse de la lumière qu'on fixe. Voilà, la vitesse de la lumière, elle vaut 299 792 458 mètres par seconde. Bravo, voilà. C'est hyper précis. Et ça, c'est sans incertitude. Hein. C'est vraiment cette valeur-là, vous pouvez l'apprendre par cœur, elle ne va pas bouger. La nouveauté du système qui va être mis en place, c'est que cette définition qui était valable pour le mètre et pour d'autres unités de mesure, je pense à la seconde par exemple. On peut peut-être redonner, parce que les unités fondamentales, tout le monde ne les a pas forcément en tête, elles étaient au nombre de 6, elles sont au nombre de 7 depuis 1971. Voilà, alors c'est la seconde, le mètre, l'ampère, le kelvin pour la température, le kilogramme pour le poids, la mole qui mesure une quantité, un nombre d'atomes, voilà, et la candela qui mesure un éclairement. Donc ça, ce sont les 7 unités qui aujourd'hui sont définies de façon explicitement. Il y a une définition par unité dans notre système de mesure, mais qui sont très variables. Comme je vous disais, le mètre dépend d'une constante fondamentale, la vitesse de la lumière. La seconde également, qui est une fréquence de transition entre deux niveaux atomiques d'un atome de césium, un atome particulier. Mais il y a d'autres... Césium 133. Absolument. Mmh. D'autres unités qui sont définies un peu plus... on va dire arbitrairement, et c'est le cas du kilogramme. Le kilogramme, c'est comme vous l'avez dit, un cylindre de 4 cm de hauteur qui est stocké, qui a été fabriqué au 19e siècle, hein, même pas 20e siècle, ça date du 19e siècle. Et sauf que, bon, c'est un morceau de métal... Est-ce qu'on est sûr que sa masse ne varie pas au cours du temps? C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme ce kilogramme étalon, il est conservé en France, pour pouvoir servir de référence, il y a des répliques de ce kilogramme. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ces répliques, leur poids variait. Oui. En fait, ces répliques, c'est des kilogrammes qui ont été fabriqués en même temps, dans le même moule que ce kilogramme. Sauf que parmi tous ces kilogrammes, on en a choisi un. Et on en a dit, lui, ce sera le kilogramme, le grand K, est stocké à Sèvres. Et on a disséminé les autres un peu partout dans le monde. Sauf qu'on s'est rendu compte que, en faisant, alors c'est des mesures qui ont lieu très rarement parce que ces échantillons sont stockés sur double cloche à vide pour être sûr qu'ils ne soient pas perturbés. Mais de temps en temps, on les sort et puis on mesure ces étalons secondaires, donc ces répliques de l'étalon principal. Et on constate qu'en 100 ans, ils ont dérivé à peu près de 30 à 50 microgrammes par rapport au grand K. Ce qui est beaucoup quand même. Enfin, ouais, ce qui est 10-8 de précision relative. Et on se dit que finalement, le grand K a dû varier lui aussi. C'est ça, mais sauf que comme c'est le grand K, ça reste le kilo. Voilà. Mais donc, ça veut dire que le kilo a varié de 10.8 en 100 ans, 200 ans. Sans doute, sauf que pour l'instant, on n'a pas le droit de le dire officiellement. Parce que le grand K, le kilo, c'est le kilo. Et donc, ça va changer. Là, ça va être ratifié donc en novembre. Il va y avoir une conférence internationale des poids et mesures à Versailles. Et donc, on va se débarrasser de cet étalon très 19e siècle. Pour se fixer, comme pour toutes les grandeurs, se fixer sur des constantes fondamentales de la physique. Donc, en l'occurrence, le kilogramme sera défini à l'aide de la constante de Planck, donc qui est vraiment une constante à la base de la physique quantique. Et on a beaucoup plus confiance dans la stabilité de la physique quantique que dans celle d'un morceau de métal qui a été forgé au 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que on se dit bon, finalement, que le kilo est varié d'un microgramme. Bon, c'est quand même pas beaucoup, ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose à l'échelle macroscopique, mais pour les scientifiques, à l'échelle microscopique, quand on sait qu'un proton c'est 10-27 kilos, ça devient une quantité énorme de variation. Oui, ça voudrait dire que si on s'en tenait à la définition officielle, la masse du proton a varié de 10-8 depuis 100 ans. Bon, bien sûr, les scientifiques savent à quoi s'en tenir et ils ne tiennent pas compte de cette déviation. Mais quand même, ça pose un petit problème. Alors désormais, il n'y aura plus d'incertitude sur les unités de mesure, puisque les constantes fondamentales seront vraiment fixées. Et ce qui est intéressant aussi dans cette... Alors, elles sont pas toutes redéfinies. Celles qui sont redéfinies, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient déjà définies par des constantes fondamentales. C'était le cas de la seconde, c'était le cas du mètre. C'était le cas du... Non, pas du Kelvin. Lesquels il manque ? Du Candela. Mais bon, le Candela est un peu particulier. Ouais, c'est un peu à part. Puisque... Et c'est ça, voilà. Et voilà, et donc du coup... Voilà. Et donc il reste les quatre autres, le kilo, le Kelvin, l'ampère et la mole. Et la mole. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces constantes sont aussi définies les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il y a une constante, du coup, qui devient la constante universelle, qui est la seconde. On peut dire ça comme ça. En fait, finalement, le changement de philosophie entre le système qu'on utilise actuellement et celui qui va être utilisé, c'est que dans notre système actuel, on définit explicitement chaque unité. Et dans le nouveau système, en fait, on va donner ce jeu de sept constantes fondamentales avec des valeurs fixées. Et on va finalement laisser aux physiciens la liberté de les combiner entre elles pour construire l'unité dont ils ont besoin. Bon, bien sûr, avec ces sept constantes fondamentales, on peut très bien retrouver les unités secondes, mètres, etc. qu'on utilise quotidiennement en les combinant entre elles. Effectivement, on peut partir de la seconde qui effectivement est très utile parce que c'est celle qu'on mesure avec le plus de précision, 10-16 de précision relative. Comparé au 10-8 du kilogramme, on est à des ordres de grandeur au-dessus, c'est fantastique. Et en partant de la seconde, en la combinant avec la vitesse de la lumière, qui s'estime en mètres par seconde, ben on obtient le mètre. Et puis en combinant la seconde, le mètre, et bien avec la constante de Planck qui s'exprime en mètres carrés par kilogramme par seconde moins 1, et bien on obtient le kilogramme. Et, etc. On peut déduire ainsi toutes les unités qu'on utilise à partir de ces constantes fondamentales. Mais alors maintenant j'ai des questions qui vont vous faire quelques nœuds au cerveau. La première, c'est que puisque on part de la seconde et donc de la fréquence de transition du césium 133 entre deux niveaux d'énergie, la seconde, cette fréquence de transition, elle s'écrit en hertz. Le hertz, oui. C'est une unité de mesure. Qu'est-ce qu'elle a défini ? Oui, bah en fait, pour le coup, c'est juste l'inverse. Donc, on fait juste un rapport, on fait juste 1 sur, et puis on obtient la seconde. Voilà. Donc, ça s'autodéfinit en quelque sorte. Bon, donc ça va. L'autre question, c'est pourquoi est-ce que ce sont ces sept constantes qui ont été définies comme les unités de mesure universelles ? Pourquoi pas les joules ? Pourquoi pas d'autres types d'unités de mesure ? C'est vrai, ça aurait pu. Alors, il y a deux raisons à ça. En fait, je pense que la construction de ce système international d'unités, comme on l'a évoqué, c'est vraiment une aventure un peu historique qui est à la fois le fruit de compromis entre des physiciens théoriciens qui sont attachés à vraiment quelles constantes sont importantes pour décrire les équations de la physique, aussi des industriels ou d'autres scientifiques qui ont envie d'avoir des unités qui leur sont utiles, qui sont définies. C'est la raison pour laquelle on a le Candela, qui est une unité d'éclairement. Finalement, l'unité d'éclairement, c'est pas quelque chose qui apparaît dans les équations fondamentales de la physique. Mais voilà, il y a eu à une époque une volonté des industriels de l'industrie de l'éclairage d'avoir leur unité bien définie. De même, la mole qui est une mesure qui a un nombre finalement défini par le nombre d'Avogadro, qui mesure simplement un nombre d'atomes. Finalement, aussi, entre guillemets, les physiciens théoriciens pourraient s'en passer, mais c'est très important pour les chimistes lorsqu'ils ont besoin de savoir combien de quantités de réactifs ils font réagir dans leur réaction. Donc, c'est finalement le choix de ces unités de mesure et un compromis entre les physiciens théoriciens, voilà, qui ont la volonté de construire le système le plus simple, le plus harmonieux, le plus universel possible, des intérêts industriels, et aussi la précision à laquelle on peut mesurer ces constantes. Puisque finalement, c'est aussi ça qui compte. Ce système d'unités va donc changer, mais au fond, pour nous, dans la vie de tous les jours, le kilogramme ne va pas changer. Le poids du kilogramme de pommes qu'on va acheter sur le marché va être toujours le même. Si vous avez une balance hyper précise, je sais pas, moi. Après, pour le kilogramme, il n'y aura pas de saut. En fait, pour ceux qui, les unités électriques, il y aura un petit saut, mais bon, ça, c'est vraiment du détail. Mais bon, en fait, ce qui change, c'est vraiment cette philosophie. En fait, c'est vrai, on aurait pu choisir d'autres unités, simplement, d'autres constantes. Simplement, on ne les mesurait pas aujourd'hui avec une précision suffisante. Voilà, pour assurer cette continuité du système international d'unité. Des réactions à cette redéfinition, Len Nguyen Huang. Ce que je trouve assez amusant avec cette histoire, c'est qu'en fait, on s'appuie sur des constantes fondamentales à la base, mais finalement, elles deviennent assez conventionnelles, puisqu'on définit le mètre à partir en fixant une valeur prédéterminée à la vitesse de la lumière. Donc en fait, c'est plus des constantes conventionnelles que fondamentales. Oui, ce qui est fondamental, c'est qu'il y a une vitesse limite pour la lumière. Voilà, c'est ça le fait. Ce qui est intéressant aussi, si on fait un peu de prospective de science-fiction, c'est qu'en tout cas, pour ce qui est de changement d'état de l'atome de césium, il est partout pareil dans l'univers, jusqu'à preuve du contraire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si on veut communiquer avec quelqu'un d'autre sur des unités de mesure, on peut dire, voilà, l'atome de césium. Ah oui, si vous rencontrez un extraterrestre qui vient d'Andromède, vous pouvez lui transmettre. Lui expliquer ce que c'est que la seconde. Voilà, bah, vous lui dites, bah, prends un atome à l'heure ou pas. Voilà. Voilà, prends un atome de césium et voilà. Caroline Tourbe. Oui, moi je voudrais nous ramener à une époque bien plus lointaine, le Moyen-Âge. Il y a une ville en Picardie qui s'appelle Laon, que je connais, et tout près de la cathédrale, sur la place du marché, cachée sous un porche, il y a ces fameuses unités. C'est-à-dire qu'on voit, et chaque début de marché, les marchands devaient tous passer, en étalonner son maître, la surface de tissu qui était vendue. Rien ne pouvait commencer sans être passé par ce bureau des unités. Les traces sont encore visibles quand on visite cette ville moyenâgeuse. C'est vraiment l'impression, en effet, de la universalité des mesures. Ouais. À quel point, à chaque endroit, chaque fois qu'on devait les utiliser, on devait les revérifier. Oui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, ce processus d'étalonnage, il nous est un peu, on le voit plus, mais il a quand même lieu. Il y a des laboratoires nationaux de métrologie qui sont chargés. Voilà, c'est toute une chaîne de raccordement depuis l'étalon primaire jusqu'aux balances qu'on utilise sur les marchés, qui permet finalement d'avoir confiance dans les unités qu'on utilise. Ce morceau s'appelait 20 secondes. Il vient de durer 20 secondes, c'était Brigitte Fontaine. On a trouvé ça intéressant par rapport à l'idée de la métrologie. Bref, deuxième dossier de cette table ronde consacrée à l'actualité scientifique de la semaine. On va partir en direction du Collège de France où Rachid Gheraoui, le nouveau titulaire de la chaire annuelle informatique et sciences du numérique, donnait hier soir sa leçon inaugurale en quelques mots, mais vous allez le présenter, j'imagine. Rachid Gheraoui est passé par l'école des mines, le CEA, le MIT. Il enseigne aujourd'hui à l'école fédérale polytechnique de Lausanne et il est spécialiste de l'algorithmie répartie. Vous étiez Len Nguyen Wang à cette leçon inaugurale hier soir. Oui, c'était une super leçon donnée par Rachid Gheraoui qui a donc introduit la leçon qu'il avait donnée sur l'algorithmique répartie en prenant ça depuis un point de vue historique en partant de Turing pour en venir à ce qui est appelé la perte de l'universalité de la machine de Turing. Alors on va repartir du départ déjà. L'algorithmique répartie, qu'est-ce que c'est par rapport à l'algorithmique classique, qu'est-ce qui change? Je pense qu'on peut commencer par parler juste d'algorithmique. Allons-y. Tout simplement. En particulier des travaux de Turing et de cette notion d'universalité. En fait, la question que voulait que s'était posée Turing, c'est qu'est-ce que faire quelque chose, qu'est-ce qu'une opération, et mieux que ça, qu'est-ce qu'une suite d'opérations tellement bête et méchante que même une machine pourrait la faire. C'était vraiment l'objectif de Turing. Pour pouvoir répondre à une question de Hilbert, une question de mathématiques, Hilbert se demandait est-ce qu'il y a des façons mécaniques de prouver des théorèmes. Et donc Turing a construit cette machine, c'est pas une vraie conception, c'est purement conceptuel. Il a donc imaginé cette machine qui était capable de faire des choses, et il a montré que cette machine n'était pas capable de prouver tous les théorèmes, en tout cas qu'elle aurait forcément des problèmes. Et ce qui est encore plus intéressant en fait dans la démarche de Turing, c'est qu'il a imaginé en fait plein de machines, donc c'est les machines de Turing, et il a montré que certaines de ces machines étaient universelles, c'est-à-dire qu'elles étaient capables de simuler le comportement de n'importe quelle autre machine. Et ça, c'est une application assez immédiate et assez fascinante aujourd'hui, c'est que aujourd'hui on a besoin de machines pour faire plein de choses, notamment en traitement d'informations, et on a envie d'aller sur WhatsApp, on a envie d'aller sur Twitter, on a envie d'écouter la méthode scientifique, et surtout sur son ordinateur. et on n'a pas envie d'avoir une machine pour chacune de ces tâches. Et ce qui est assez magique avec l'approche de Turing, c'est qu'avec cette universalité de Turing, c'est qu'en fait il suffit d'une seule machine, un téléphone ou un ordinateur, pour faire n'importe laquelle de ces tâches. C'est-à-dire pour pouvoir faire finalement tout type de calcul, pour intégrer tout type de calcul. Exactement. Mmh. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental, déjà très utile d'un point de vue pragmatique, mais aussi assez fondamental d'un point de vue assez conceptuel, assez théorique. Il y a une certaine universalité, une certaine unification de toutes les formes de calcul, et en gros, c'est ce que fait une machine de Turing universelle. C'est ce qu'on appelle l'universalité de Turing à juste titre. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que l'algorithmique répartie? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a besoin de répartir ces algorithmes sur différentes machines et pas tout centraliser sur une seule? Alors Rachid Gheraoui a donné un super exemple historique en fait de la chose. C'est dans les années 60, pendant la guerre froide, les Américains avaient des informations très sensibles sur un ordinateur et se sont dit sauf que qu'est-ce qui se passe si l'URSS met une bombe nucléaire et qu'on perd notre ordinateur, on perd toutes nos données. Et du coup, il y a eu vraiment eu cette question de comment est-ce qu'on fait pour garantir la fiabilité du stockage de l'information. Pour ça, l'idée, c'est la même idée que si vous écrivez une thèse, par exemple. Je vous conseille de faire des sauvegardes. Ça peut être une bonne idée. Ça sent l'exemple vécu. Non, ça, ouais, je passe entre les mailles. Parce que du coup, moi, j'ai fait mes sauvegardes. Pareil, donc le gouvernement américain a mis plusieurs copies en fait de l'information sur plusieurs ordinateurs un peu partout aux États-Unis et a mis en place un système de copies. Donc c'est ce qu'on veut, c'est ce que Rachid Yoria a appelé hier la robustesse. On veut des systèmes qui soient ultra robuste, qui continue à fonctionner même s'il y a des machines qui plantent, et ce qui paraît, ça arrive de temps en temps. Mais ça, jusqu'à présent, ça c'est de la réplication, c'est ce qu'on appelle du backup, de la sauvegarde de données pour être sûr qu'à tout moment l'information est répartie et que si elle plante sur l'une des machines, on peut la retrouver ailleurs. L'algorithmique réparti, c'est encore un peu plus compliqué que ça. Oui, il y a une autre, donc là j'ai parlé de la condition de robustesse qui est quelque chose de très important, mais un autre truc en fait qu'on aimerait bien, c'est que le tout, ce réseau de copies fonctionne comme un ordinateur. On n'a pas envie de s'embêter à se dire quelle est la version que sur cet ordinateur ou sur tel serveur. On a envie d'avoir une abstraction, un peu lorsqu'on va sur Google, on va sur un des serveurs de Google et on n'a pas envie de savoir les détails de sur quel. On a envie que tout se comporte comme une machine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'atomicité. Et l'un des grands défis de la recherche en algorithmique répartie, c'est comment faire en sorte que des réseaux d'ordinateurs soient à la fois robuste et cette propriété d'atomicité qui garantirait ensuite l'universalité du réseau d'ordinateurs, c'est-à-dire qui se comporterait comme une machine de Turing universelle. Et alors aujourd'hui, cette répartition en fait du coup de l'algorithmique, elle est généralisée, c'est-à-dire qu'en fait on s'en rend pas compte, mais tous les jours nous dans nos usages numériques, on a recours, nos ordinateurs, nos requêtes ont recours à de l'algorithmique répartie. Absolument, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui énormément d'informations extrêmement sensibles, hein, si vous pensez votre compte bancaire par exemple, j'espère que c'est bien sécurisé et vaut mieux que les banques fassent en sorte que l'information soit ultra robuste, qu'ils ne la perdent jamais. Donc il y a énormément de défis par rapport à ça. Il y a une autre raison aussi pour laquelle on a envie de distribuer comme ça, de répartir le calcul, c'est parce que typiquement si vous êtes Google, vous allez avoir énormément de requêtes à chaque instant. Et un ordinateur, une machine unique n'est pas capable de répondre à toutes ces requêtes. Et donc il y a des exigences juste de rapidité, notamment de réponse, qui font qu'on va privilégier des structures répartie ainsi. Et alors, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, ça pose un problème et ça finit par mettre à mal cette université de Turing dont vous parliez tout à l'heure ? Donc, il y a un gros problème, c'est que une machine peut tout à coup ralentir ou peut avoir des problèmes de communication. Donc, ça arrive avec les machines, ça arrive aussi avec les humains. Parfois, c'est difficile de communiquer et de se faire entendre quand on est dans un groupe. Et le même problème pour les machines, pendant temps, elles sont un petit peu plus lentes tout à coup et ça peut ralentir tout le système. Et on n'a pas envie que ça se passe. Et en fait, ça peut être pire que ça parce que les ordinateurs peuvent planter et du coup, on peut perdre l'information sur une machine et on veut que le système continue à bien fonctionner. Et malheureusement, il y a des théorèmes, un théorème notamment le théorème FLP de 1985 qui montre que malheureusement, si on fait certaines hypothèses sur le réseau, notamment le fait que les messages peuvent être ralentis de façon indéterminée, malheureusement, les deux propriétés de robustesse et d'atomicité sont incompatibles. On perd l'universalité de la machine de Turing. Et alors du coup, racontez-nous un peu faites-nous revivre un peu cette leçon inaugurale. Quelles étaient les conclusions de Rachid Gueraoui sur quoi? Parce qu'il va donner donc tout au long de cette année des cours, puisqu'il a cette nouvelle chaire, il est titulaire de cette chaise tournante du Collège de France Informatique et Sciences du Numérique. Quelles étaient la suite, quelle était la conclusion de cette leçon inaugurale? Alors l'idée ensuite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, sachant ce théorème d'impossibilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour malgré tout avoir quelque chose qui, comme lorsque vous utilisez Google, on veut que ça soit comme une seule machine et que ce soit ultra robuste. Et il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup d'idées, donc en fait il y a tout un champ de recherche l'algorithmique répartie qui s'intéresse à cette question. L'une des façons de résoudre ce problème, c'est de faire des hypothèses supplémentaires sur le réseau qui seront souvent vérifiées et on peut essayer de concevoir le réseau pour qu'il vérifie ces hypothèses autant que possible. Donc il y a notamment Google utilise par exemple des algorithmes qui font certaines hypothèses et sous ces hypothèses ça marchera bien, donc notamment il y a l'algorithme Paxos qui est souvent utilisé. Et Et il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'optimisation à faire à chaque fois sur ces différentes solutions. Il y a une autre solution qui a été présentée par Rachid Yaraoui hier, qui consiste à identifier un ensemble de problèmes qui ne nécessitent pas l'universalité pour être résolus. Très bien. Sylvain, un petit mot sur... Vous écoutiez avec attention. Parce que du coup, j'ai une question un peu philosophique, hein, désolé. Sur cette notion d'universalité, parce que c'est vrai que c'est un peu le sujet aussi qu'on invoquait dans les unités de mesure, cette idée que les physiciens et les physiciennes aiment beaucoup cette idée d'universalité. C'est très important pour eux, ils y sont très attachés, mais dans une certaine mesure, on pourrait dire que c'est un postulat. Enfin, finalement, qu'est-ce qui prouve en fin de compte que les choses sont vraiment universelles? Est-ce que c'est aussi une question qui taraude beaucoup les informaticiens? Oui, c'est une question absolument fascinante et j'adore cette question. Merci de la poser. Alors, allez-y. Donc il y a un théorème qui a prouvé Turing qui est que il existe des machines qui sont universelles dans le sens où elles sont capables de simuler n'importe quelle autre machine de Turing. Mais la question à laquelle il n'a pas répondu, parce qu'elle est difficile à poser, c'est est-ce qu'il existe des autres machines qui ne sont pas des machines de Turing qui seraient capables de faire des calculs que les machines universelles de Turing ne sont pas capables de faire. Et ça a amené Turing et de façon indépendante Alonzo Church qui réfléchissait aussi à ces questions à postuler la thèse de Church-Turing qui est une thèse. Alors on peut l'interpréter de différentes manières. Il y a la thèse de Church-Turing un peu classique qui dit que tout algorithme, tout ce qu'on entend de façon intuitive par une suite d'opérations correspond à une machine de Turing. Donc ça c'est un peu une thèse sur notre façon de parler qui n'est pas du coup très forte puisqu'elle est assez réduite à notre façon de parler. Mais la thèse qui est peut-être plus intéressante, c'est ce qu'on appelle la thèse physique de Church-Turing, qui consiste à dire que dans l'univers, il n'existe aucune machine capable de faire des opérations qu'une machine universelle de Turing n'est pas capable de faire. Et donc ça serait vraiment quelque chose de très universel. Sylvain, vous avez la réponse à votre question. Absolument. Moi, je sens que le petit apéro d'après-émission va être mouvementé. Un dernier mot, peut-être, Len Nguyen Wang, sur les applications aujourd'hui de cette algorithmique répartie. Dans quel type de modèle informatique est-ce que c'est utilisé? Quelles sont les pistes d'études concrètes ou d'applications concrètes que l'on a en ce moment? Aujourd'hui, il y a énormément d'applications. On vit, vous avez tous Internet, hein, quelque part. Donc, tout le système d'Internet est distribué de nature. Il y a énormément de services qui sont distribués. Et en gros, toutes les entreprises aujourd'hui du numérique font de l'algorithmique distribué énormément. Et en plus de ça, il y a d'autres applications qui sont au niveau local sur les ordinateurs encore, le fait qu'on utilise maintenant des microprocesseurs avec plusieurs cœurs, donc il y a une algorithmique distribuée au sein d'ordinateurs. Mmh. Et peut-être aussi l'application que je trouve la plus amusante, en tout cas la plus scientifiquement enrichissante, on va dire, c'est le fait que dans la nature, il y a énormément d'algorithmiques distribués. Par exemple. Donc si vous pensez par exemple à des bancs de poissons qui sont capables de se dépasser ensemble, alors que chaque poisson n'a qu'une vision locale de la situation, c'est quelque chose d'assez fascinant. Et pour en revenir à Turing, Turing en 1952, il a écrit un autre article sur la morphogénèse. Mmh. Comment est-ce que, à partir d'une cellule œuf ou d'une poignée de cellules, enfin, une fois qu'elle s'est répliquée, on peut avoir des structures macroscopiques comme un corps humain qui sont assez folles. Et surtout, comment est-ce que ça marche alors que on sait qu'une cellule n'est pas ultra fiable? Le système de morphogénèse est ultra robuste alors que chacune des cellules est extrêmement faible, fiable, entre guillemets. Voilà. Mm-hmm. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant et la nature a réussi à trouver des algorithmes répartis assez fascinants. Partout, on peut parler des nuées d'oiseaux aussi, la synchronisation du clignotement des lucioles dans la nuit. Exactement. On peut parler du comportement collaboratif des neurones aussi. Et puis, on va vous remettre le lien, c'est déjà fait, vers l'émission que nous avions consacrée à Turing, mais aussi vers la grande traversée dont je ne cesse de faire la publicité du camarade Amaury Chardot sur... Alan Turing, qui a été diffusé sur la grille d'été de France Culture, 8 heures de documentaires qui sont absolument passionnantes. Merci beaucoup, Len Nguyen Wang. On vous retrouve tout à l'heure parce que vous allez nous parler du livre que vous avez écrit qui est assez passionnant également. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h43, dans la méthode scientifique, nous allons aborder l'un de vos sujets favoris, celui qui nous vaut toujours quantité de littérature et de correspondance à chaque fois que nous l'abordons. Cette fois-ci, ça n'est pas de notre fait. On a fait une émission il y a quelques semaines sur l'effet placebo. Vous avez été extrêmement réceptif à cette émission sur l'effet placebo. Caroline Tourbe estimait, pour sa part, que ça faisait une paye que vous ne nous aviez pas écrit. C'est pourquoi, Caroline, vous êtes venue aujourd'hui nous parler de l'homéopathie dont vous traitez dans le numéro de ce mois-ci de Science et Vie. Oui, dans le numéro de décembre qui vient de sortir, de novembre, qui vient de sortir. Il y a un sujet sur l'homéopathie, qui est un dossier qui a été écrit par Marie-Catherine Mera. Ce qu'il faut savoir, c'est que Science et Vie et l'homéopathie, c'est une longue histoire. Science et Vie, c'est un journal qui a plus de 100 ans maintenant, qui s'est intéressé à toutes sortes de disciplines et qui s'est intéressé à l'homéopathie dès les débuts du journal, pratiquement. On en a parlé. Et là, cette fois-ci, si on revient dessus, en effet, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas parlé, on revient sur le sujet parce que simplement, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, plutôt du point de vue économique, on va dire, et du crédit donné à l'homéopathie, plutôt que sur les principes mêmes de l'homéopathie et de son efficacité. Le titre est assez éclairant, hein, c'est « Homéopathie, le début de la fin ?» d'interrogation. Oui, on se pose la question. On se pose la question pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a une question qui est posée sur le remboursement des médicaments homéopathiques. En cours d'évaluation. Voilà, on se demande si on va continuer à les rembourser. Il y aura une réponse en février, normalement, février de l'année prochaine. Et puis, il y a également eu une tribune qui a fait beaucoup de bruit, qui a été signée par plus d'une centaine de médecins au début, qui s'insurgeait contre le fait qu'on continue à prescrire et à rembourser de l'homéopathie. Et puis, il y a des facultés de médecine. NoFakeMed. Voilà. Et des facultés de médecine aussi qui n'enseignent plus la pratique de l'homéopathie, qui se demandent s'il ne faudrait pas mieux faire des enseignements plutôt théoriques sur ce qu'est l'homéopathie et au fond d'autres médecines ou thérapies alternatives, plutôt que d'enseigner une pratique qui ne repose pas sur une médecine basée sur les preuves. Alors effectivement, dans ce dossier de Science et Vie, on ne réévalue pas la question de l'efficacité ou non. On estime qu'aujourd'hui la littérature scientifique est suffisamment... C'est tranché, hein, ça n'a pas plus d'effet que l'effet placebo. Je vous renvoie à l'effet placebo, parce que l'effet placebo, par ailleurs, est très étudié en biologie et en médecine. Donc, je vous renvoie à l'émission que nous avions consacrée le jour. Mais en tout cas, l'homéopathie, ça ne marche pas mieux qu'un placebo. Non, et même, c'est intéressant de regarder. Il y a eu un rapport en 2017 des académies de médecine européenne qui est sorti, qui montre une chose qui est assez classique en médecine alternative, c'est qu'au fond, plus une étude est bien menée sur le plan méthodologique, plus l'effet observé est faible, surtout, voire inexistant. Et quand, en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose, c'est généralement parce qu'il y a des biais ou que statistiquement ça n'est pas suffisamment puissant. Donc toutes ces données-là, elles sont valables. Enfin, plus également, tous ces rapports-là montrent qu'il n'y a pas de preuves. Ces rapports sont disponibles. On peut se plonger dans cette littérature-là. Ça n'enlève pas le fait que l'homéopathie, dans le monde, mais particulièrement en France, est extrêmement appréciée et on lui accorde une grande confiance. Il y a un sondage qu'on cite, qui est un sondage Ipsos, qui a été commandé par le LEM, qui est le syndicat des fabricants de médicaments, qui montre que les Français donnent leur confiance à l'homéopathie. 73% des Français accordent leur confiance à l'homéopathie, alors que pour les vaccins, ils sont 69%. Voilà la situation dans laquelle on est pour la confiance en l'homéopathie, malgré le fait que les connaissances scientifiques et les méthodologies montrent que l'homéopathie ne fait pas mieux que le placebo. Alors, la question aujourd'hui, c'est effectivement celle du déremboursement. Il faut dire que, alors encore comme toujours, hein, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'homéopathie se targue d'un meilleur suivi, d'un meilleur accompagnement des patients. Tout ça, évidemment, avec un certain coût, hein, puisque la consultation d'homéopathie est surfacturée par rapport à une consultation de médecin généraliste dans la plupart des cas. Oui, en fait, savoir si on rembourse ou pas l'homéopathie, c'est une question extrêmement intéressante parce que ça permettrait d'aborder frontalement la valeur que le système de santé français souhaite accorder à l'effet placebo dans la stratégie thérapeutique. Donc on est sur un cas d'école. Voilà, l'homéopathie, c'est un placebo. Qu'est-ce qu'on fait? On rembourse pas. Il y a des études qui ont été menées, notamment une étude qui a été financée par Boiron. Boiron, c'est le premier laboratoire mondial, il est français, mais premier laboratoire mondial d'homéopathie, qui montre que pour certaines pathologies, certaines maladies, par exemple les infections respiratoires, les gens qui consomment de l'homéopathie, en effet, sont moins médicalisés par ailleurs. Et ils coûtent moins cher, à peu près 35% moins cher à la Sécurité sociale pour ces pathologies précises. Donc cette étude-là, elle montre pas que l'homéopathie a l'effet, hein. Elle montre simplement qu'il peut y avoir une répercussion financière de l'utilisation de l'homéopathie. Donc ça peut être tout un argument. C'est une étude de Boiron. Oui, c'est une étude de Boiron. Mais c'est pour ça que c'est une étude de Boiron, mais elle montre quelque chose qui pourrait être un argument intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'effet placebo dans la stratégie thérapeutique en France? Est-ce qu'on décide de la rembourser ou pas? Là, on arrive encore à un problème scientifique, c'est-à-dire que l'effet placebo, et vous avez fait une émission, donc vous en avez largement parlé, c'est extrêmement puissant, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas sur tout le monde. Il y a des personnes extrêmement sensibles à l'effet placebo, d'autres qui le sont moins. Le fait de pouvoir prendre du temps en discutant avec les patients, de faire une médecine personnalisée, qui est l'un des arguments des homéopathes. Ça peut être tout à fait transposable à une médecine classique, avec des médicaments qui contiennent des substances actives et qui ont une action. Donc on peut aussi renforcer l'action d'un médicament classique, d'une molécule active, en ajoutant une personnalisation. Donc, si vous voulez, si l'effet placebo, on était sûr à tous les coups que ça marche, si on pouvait évaluer sa puissance précise et que ça marche sur tout le monde en même temps pareil, alors ce serait beaucoup plus simple de se dire, bah oui, on le rembourse ou on le rembourse pas. Il faut préciser par ailleurs que toutes les formules homéopathiques ne sont pas remboursées. Il n'y en a qu'une quinzaine à hauteur de 30% et que, comme toujours, comme souvent, on est dans ce qu'on appelle la bobologie. Oui, voilà. Et puis ça ne représente pas énormément, c'est-à-dire que c'est 0,69%, si je ne me trompe pas, des remboursements de médicaments, le montant total des remboursements de médicaments de l'assurance maladie. Donc on n'est pas sur quelque chose d'énorme, mais on est sur quelque chose qui est quand même, pour la France et pour le marché français, important, notamment parce que, je le disais tout à l'heure, Boiron est un gros laboratoire français, ce qui peut expliquer aussi peut-être pourquoi, en partie, on est aussi adepte en France de l'homéopathie. On entend souvent les gens qui prennent de l'homéopathie réagir aux critiques en expliquant qu'elle s'oppose à Big Pharma et à la production par les laboratoires et à la privatisation de la santé par les laboratoires. Au fond, Boiron est un acteur économique français important qui emploie beaucoup de monde. Donc prendre de l'homéopathie, c'est aussi s'appuyer sur un gros laboratoire. Alors, c'est pour toute proportion gardée, évidemment, ce n'est pas les gros laboratoires mondiaux, mais quand même, ça n'est pas juste dans une petite gargote des gens qui pratiqueraient l'homéopathie. Par philanthropie. Non. Ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que vous disiez, Caroline, c'est de savoir quelle place on accorde à l'effet placebo dans une stratégie de santé nationale. On l'a vu, l'homéopathie est très populaire, ça sert pour la bobologie, ça sert pour les enfants, parfois même pour les animaux de compagnie. On peut se dire finalement, est-ce que le remboursement est vraiment un enjeu compte tenu des faibles doses que ça représente? Finalement, est-ce que ça coûte pas grand-chose de plus à la sécurité sociale? On peut continuer à dire que ça ne fait pas de mal, comme le disait la ministre de la Santé. En fait, c'est aussi de savoir si, dans ce cas-là, on rembourse d'autres médecines alternatives. C'est-à-dire, il y a des tas de propositions de traitements en tout genre ou de supposés traitements en tout genre qui reposent sur l'effet placebo. Du coup, c'est aussi comme si, dans le cadre de cette réévaluation, on pouvait peut-être ouvrir plus large encore les portes et se mettre à rembourser, je ne sais pas, l'auriculothérapie ou d'autres thérapies différentes de la médecine classique. Il y en a un grand nombre. Comment se sont comportés les autres pays européens, par exemple, vis-à-vis de l'homéopathie? Est plutôt ce que vous dites quand même dans ce dossier, c'est que effectivement le début de la fin, c'est que les résultats financiers de Boiron sont de moins en moins bons, qu'il y a ces facultés qui ferment leur enseignement d'homéopathie. Oui, il faut savoir qu'en en France, l'homéopathie, elle ne peut être prescrite que par des médecins ou des personnels de santé, par exemple les dentistes, les sages-femmes aussi, je crois, et que la formation, quelque part, c'était comme aussi une façon de valider l'homéopathie. Passer par un diplôme universitaire dans une faculté de médecine, c'était une façon de valider l'homéopathie. Donc c'était une sorte de discours paradoxal. L'Académie de médecine ne valide pas l'efficacité de l'homéopathie, mais les universités l'enseignent. Voilà, on est dans une situation qui était pour le moins paradoxale et qui a l'air d'aller plutôt vers un éclaircissement de la situation, c'est-à-dire non, l'homéopathie n'a pas fait la preuve de son efficacité. Donc, on ne l'enseigne pas en tant que pratique. Les résultats de Boiron sont pas très bons. Oui, il y a une démission du directeur général. Oui, alors ça, c'est l'aspect économique. C'est-à-dire que c'est plutôt... toutes les nouvelles, là, sont de fin d'année, sont arrivées un peu en même temps. Il y a vraiment eu... On a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est mort. C'est-à-dire que ça part de très haut. Vous avez entendu les chiffres. 73% des Français qui accordent leur confiance à l'homéopathie. C'est aussi la preuve qu'il y a quelque chose de paradoxal en France. Je crois que c'est beaucoup nourri aussi par le fait qu'il y a eu, on en a parlé, mais c'est un important. Il y a eu des scandales avec la médecine classique, avec des médicaments classiques qui, comme ils ont des molécules actives et ont un effet, ils ont aussi des effets délétères puissants qui peuvent ne pas avoir été repérés ou suffisamment mis en avant par les laboratoires qui les vendaient. Donc il y a une défiance d'un côté et on se retourne vers quelque chose qui est moins dangereux forcément puisque il y a la plupart du temps, pas de molécules actives dans les principes homéopathiques, dans les traitements homéopathiques. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Voilà, on aura la réponse à cette question du remboursement ou du déremboursement en février. On va faire, pour conclure, peut-être un petit mot, et notamment avec vous, Léa Nguyen Hoan, parce que vous n'êtes pas qu'un youtubeur talentueux, vous êtes aussi auteur. Vous avez publié récemment La formule du savoir, une philosophie unifiée fondée sur le théorème de Bain. Il faut que vous nous en disiez un mot. Ouais. Parce que dit comme ça, ça paraît un peu obscur. Il faut que vous expliquiez, parce que c'est un bouquin assez passionnant. Ouais, donc l'idée du bouquin, c'est de défendre une thèse qu'on appelle le bayésianisme, qui correspond à dire que les lois des probabilités sont la bonne façon de raisonner. Enfin, être rationnel, c'est appliquer les lois des probabilités. C'est un peu la thèse fondamentale. Et en particulier, ça veut dire que ce qui est un peu contre-intuitif, c'est qu'il faut toujours mettre des probabilités, y compris sur des théories. Quoi. Une théorie n'est pas vraie ou fausse. Elle est plus ou moins crédible. Et ce qui est super important pour le bayésien, c'est d'ajuster le niveau de croyance ou de crédence, comme j'aime les appeler. Croyance, c'est un peu connoté. Ouais, c'est ça. Croyance, c'est un peu connoté, crédence sur un peu plus quantitatif. Et justement, l'idée, c'est d'avoir une approche assez quantitative de ce que l'on croit et surtout appliquer la formule de Bayes, qui est une formule des lois des probabilités, qui, étant des données, nous dit comment ajuster nos crédences au fur et à mesure. Donc, par il y a un apprentissage au fur et à mesure. Quoi. Donc, je peux croire qu'il fait beau demain, disons. Et puis là, je vais sur un site de météo et ça va changer ce que je crois. Ça va pas complètement le changer parce que je serais pas forcément sûr qu'il va faire beau demain, mais ça va changer petit à petit. Et donc, c'est s'ajuster au fur et à mesure que les données viennent, l'idée du bayésianisme. Je crois à l'efficacité de l'homéopathie, puis j'écoute la méthode scientifique, donc d'un seul coup, mon niveau de crédence est en chute libre. Ça serait l'idéal. Mais c'est vraiment ça l'idée. Ça arrive souvent en fait que typiquement on a des résultats qui sont surprenants, mais ça peut être juste des fluctuations statistiques. Donc pour le bayésien, on va constamment changer nos niveaux de croyance. On va toujours faire des petits pas. J'aime parler de pas de danse, quoi, d'une certaine manière. Et ces pas de danse vont pas toujours aller dans le même sens parce que de temps en temps il y a des données qui sont surprenantes. Plus on collecte de données, plus il y aura un moment quelque chose de surprenant. Donc les pas de danse vont pas toujours dans le même sens, mais l'idée du bayésianisme, c'est que au bout d'un moment, si on fait suffisamment de pas, on tend vers des probabilités qui sont plus représentatives de ce qu'il faut croire. Ce que vous proposez dans ce livre, finalement, c'est une forme de méthodologie de pensée, et de méthodologie de pensée souvent contre soi, c'est-à-dire contre des biais naturels qu'on a tous, des biais vis-à-vis des grands chiffres, évidemment, un certain nombre de biais statistiques qui sont les nôtres et qui nous permettent justement de repenser les choses sous un autre éclairage. Ah, exactement. Donc l'idée du livre, c'est vraiment, c'est plus une philosophie normative du savoir, c'est-à-dire je m'intéresse pas tellement à comment est-ce que les gens font pour savoir, même les scientifiques. La question que je me pose, c'est plus comment est-ce qu'il faut réagir aux données et ajuster ce qu'on croit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'on a ça, on est capable de savoir quand est-ce qu'on dévie de ça et voir. Donc, par exemple, dans le livre, par exemple, je parle de l'argument d'autorité. Donc, c'est un argument assez classique qui est parfois rejeté pour des mauvaises raisons. Et en fait, il y a une façon très. L'argument d'autorité, redites-nous l'argument n'est pas le biais d'autorité. Hein. Ouais, donc l'argument d'autorité, c'est tout simplement qu'une personne qui est d'autorité nous dit quelque chose. Est-ce qu'il faut prendre ça en compte pour changer nos croyances? Et en fait, il y a des cas où oui, en effet, si la personne est très compétente et qu'on pense qu'elle est très compétente et qu'elle est bienveillante. Ça, c'est l'argument d'autorité. Le biais d'autorité, c'est l'inverse. C'est inverse. C'est lorsqu'on fait confiance à quelqu'un alors qu'on ne devrait pas. Qui parle en dehors de son champ de connaissances, qui est assez classique. Typiquement. Et par exemple, sur des sujets, pour en revenir sur l'homéopathie ou sur le problème du bio, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de positions, mais ce n'est en fait pas surprenant qu'il y ait des gens qui prennent telle ou telle position. Et comme on n'est pas surpris, on n'a pas à changer nos croyances. Par exemple, que quelqu'un affirme que l'homéopathie a un effet thérapeutique au-delà du placebo. Vous reviendrez nous en parler plus longuement dans une émission qu'on va essayer de structurer autour de ces questions liées au bayésianisme. Merci beaucoup en tout cas. La formule du savoir, une philosophie unifiée fondée sur le théorème de Bain, cette édition EDP Science. Un mot, Caroline Tour, de la couverture de ce Science et Vie du mois de novembre. Eh bien, nous allons parler mesure justement et la réévaluation. Et Sylvain Guilbeault. Les mathématiques de la cryptographie, comment résister à l'ordinateur quantique. C'est la une du magazine La Recherche voilà. Du mois de novembre. Et un mot sur votre chaîne YouTube aussi, Léane Guyagon, la prochaine vidéo de Science for All. Deux mots, ou la dernière. Donc en fait, là, je suis en train de parler des réseaux de neurones et du coup, il y aura une série sur les architectures des réseaux de neurones. Allez, on va mettre les liens sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Toby Mendenstock, Céline Lozen, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Nomine Agathe Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Alice Seyed à la technique. Un mot sur votre programme de La Méthode Scientifique. La semaine prochaine, lundi, on parlera d'embryogénèse. Mardi, de planètes errantes. Mercredi, on parlera de l'exciton. Jeudi, de l'histoire de la réanimation. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et vendredi, nous serons en direct et en public du festival Les Utopiales à Nantes pour une table ronde autour de la question du cyberpunk et du corps cybernétique. Venez donc nous rejoindre si vous êtes dans les parages. Demain, à 16h, Étienne Klein évoquera les cabinets de curiosité et l'imaginaire dans la conversation scientifique. Nous on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.